rien vivre, maman. Fais qu'on aille foutre tout bonnement. Et qu'est bisouet, pardon. Les savent seulement pour qui raison. Yo du moins que yo pas moi et qui yo te aime moi. Qui j'en dis moi ni yon frère qui casse en moi. Mais yo pas te vle ban moi non. Yo du moins qu'il faut pas moi gâcher lui. Dernière fois qu'il m'a vu, vous m'a pas tenu en moi. Se soupi m'a dit de vous. Il te met l'entour à coup en moi. T'as pensé que c'était pour y protéger moi. Moi y en vivre, maman. Voulez qu'on aide vous, tout bonnement. Et que besoin, pardon. Voulez ça seulement pour qui raison. Moi y en vivre, maman. Voulez qu'on aide vous, tout bonnement. Mais que besoin, pardon. Seulement pour qui raison. Si on te prévoit vous-même un petit moment, te promets de disparaître, oui, pour tout le temps. Moi, parler, maman, faire pleurer. Même on y doit savoir qui moune en y est. Moi, en vivre, maman, reconnaître vous. Ça seulement pour que raison. Moi en vivre, maman. Reconnaître vous, tout bonnement. Pégué besoin, pardon. Et ça seulement pour que raison. Est-ce à leurs amis, moi? Moi parmi mon frère. Est-ce voisin à moi? Pas famille à moi. M'en voulez s'enlever. M'en voulez qu'on. Salve, mamá. Mamá, tu mamá, pardon. Mamá, tu mamá, pardon. Maman, c'est vous, moi, qui cachez. Maman, c'est vous, moi.